Ésaïe chapitre 49. Écoute-moi, île, et soyez attentifs, vous, peuple éloigné. L'Éternel m'a appelé dès le ventre, il a fait mention de mon nom dès les entrailles de ma mère. Et il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë, il m'a caché dans l'ombre de sa main, et m'a rendu semblable à une flèche bien polie, il m'a serré dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël est celui en qui je me glorifierai par toi. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai usé ma force pour néant et sans fruit, toutefois mon droit est par devers l'Éternel, mon œuvre est par devers mon Dieu. Maintenant donc, l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre pour lui être serviteur, m'a dit que je lui ramène Jacob, mais Israël ne se rassemble point, toutefois je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Et il m'a dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob, et pour délivrer les captifs d'Israël, c'est pourquoi je t'ai donné pour lumière aux nations, afin que tu sois mon salut jusqu'au bout de la terre. Ainsi a dit l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à la personne méprisée, à celui qui est abominable dans la nation, aux serviteurs de ceux qui dominent, les rois le verront, et se lèveront, et les principaux aussi, et ils se prosterneront devant lui, pour l'amour de l'Éternel, qui est fidèle, et du Saint d'Israël, qui t'a élu. Ainsi a dit l'Éternel, je t'ai exaucé au temps de la bienveillance, et je t'ai aidé au jour du salut, je te garderai, et je te donnerai pour être l'alliance du peuple, pour rétablir la terre, et afin que tu possèdes les héritages désolés. Disant à ceux qui sont garrottés, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils paîtront sur les chemins, et leurs pâturages seront sur tous les lieux haut élevés. Ils n'auront point de faim, ils n'auront point de soif, et la chaleur, ni le soleil, ne les frappera plus, car celui qui a pitié d'eux les conduira, et les mènera aux sources d'eau. Et je réduirai toutes mes montagnes en chemin, et mes sentiers seront relevés. Voici, ceux-ci viendront de loin, et voici, ceux-là viendront de l'Aquilon, et ceux-là de la mer, et les autres du pays des Signiens. Aux cieux, réjouissez-vous avec chant de triomphe, et toi, terre, égaie-toi, et vous, montagne, éclatez de joie avec chant de triomphe, car l'Éternel a consolé son peuple, et il aura compassion de ceux qui l'aura affligé. Mais Sion a dit, l'Éternel m'a délaissé, et le Seigneur m'a oublié. La femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allait, en sorte qu'elle n'ait point pitié du fils de son ventre? Mais quand les femmes les auraient oubliés, encore ne t'oublierai-je pas, moi. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de tes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Tes enfants viendront à grande hâte, mais ceux qui te détruisaient et qui te réduisaient en désert, sortiront du milieu de toi. Élève tes yeux à l'environ, et regarde, tous ceux-ci se sont assemblés, ils sont venus à toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, que tu te revêtiras de ceux-ci comme d'un ornement, et tu t'en orneras, comme une épouse. Car tes déserts, et tes lieux désolés, et ton pays détruit, sera maintenant trop étroit pour ses habitants, et ceux qui t'engloutissaient s'éloigneront. Les enfants que tu auras, après avoir perdu les autres, diront encore, toi l'entendant, ce lieu est trop étroit pour moi, fais-moi place, afin que j'y puisse demeurer. Et tu diras en ton cœur, qui m'a engendré ceci, vu que j'avais perdu mes enfants, et que j'étais seul, emmené en captivité, et agité, et qui m'a nourri ceci? Voici, j'étais demeuré toute seule, et ceci où était-il? Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, et j'élèverai mon enseigne vers les peuples, et ils apporteront tes fils entre leurs bras, et on chargera tes filles sur les épaules. Et les rois seront tes nourriciers, et les princesses, leurs femmes, tes nourrices, ils se prosterneront devant toi le visage contre terre, et lécheront la poudre de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui se confient en moi, ne seront point honteux. Le pillage sera-t-il ôté à l'homme puissant? Et les captifs du juste seront-ils délivrés? Car ainsi a dit l'Éternel, même les captifs pris par l'homme puissant lui seront ôtés, et le pillage de l'homme fort sera enlevé, car je plaiderai moi-même avec ceux qui plaident contre toi, et je délivrerai tes enfants. Et je ferai que ceux qui t'auront opprimé, mangeront leur propre chair, et s'enivreront de leur sang, comme du mou, et toute chair connaîtra que je suis l'Éternel qui te sauve, et ton Rédempteur, le Puissant de Jacob.